Chapitre 10e. Madame Harding voit une figure qui lui est familière. Le lendemain fut brillant et agréable. Il faisait une véritable journée d'hiver, accompagnée de gelées, d'un vent sec soufflant parmi les noires fougères, et frisant les eaux de tous les étangs des bois de Scarsdale, où l'espérance renaissait dans le cœur des patineurs enthousiastes, tandis qu'un soudain désespoir s'emparait des chasseurs et de leurs gardes, et que dans une demi-douzaine de cours d'écurie du comté, on aurait pu voir la vivante représentation des délicieux tableaux de Lancer. « Il dégèlera demain, » dit Sir Gaspard en coupant le dernier numéro de la Revue des Deux Mondes près du grand feu de sa bibliothèque. « Il y aura inévitablement une petite pluie, de la boue et du gâchis pour le jour de Noël. » Tout comme si les lois rationnelles de rationnel univers se liguaient contre les propriétaires des journaux illustrés et l'idéal scorbutique des humoristes populaires qui représentent le joyeux roi de Noël avec une couronne de houx et un bol de punch d'une grandeur impossible, laissant échapper des flammes bleues et jaunes incroyables. Où sont les gens qui conservent l'idéal des fêtes de Noël? Qu'est-ce qui les a jamais vus? Qu'est-ce qui a dîné avec eux? Qu'est-ce qui s'est assis à leur cercle de famille après dîner pour écouter leurs histoires de revenants? Qu'est-ce qui s'est escrimé avec leur jolie petite fille sous leur gui? Qu'est-ce qui a adoré Dieu dans l'église de leur village si bien verni? Qu'est-ce qui a tremblé dans leur rue couverte d'une épaisseur de neige incroyable? Qui a jamais rencontré l'homme de loi qui peut rédiger 3,5 pages sur l'étrange client qui une fois est venu à lui par une nuit de brouillard, tandis que de jeunes garçons jouaient à cache-cache dans les cours sombres des écoles de droit? Qui a entendu à 5h30 la fille aînée de la maison raconter d'une manière concise et sentimentale la mort de sa sœur dont le futur s'est perdu dans un marais le jour de Noël, il y a juste 33 ans, et qui n'a jamais souri depuis? Pauvre chérie, jusqu'au moment où dans son cercueil le sourire qu'elle avait, en l'attendant à la croisée, le jour de Noël, reparut sur son visage pour ne plus la quitter. Qui a rencontré le jeune étudiant en médecine, qui doit aussi raconter quelque histoire et trouve heureusement sur lui un journal écrit par un de ses camarades d'études mort du délirium tremens? Je suppose qu'il doit exister de tels gens, et qu'ils peuvent être très agréables, mais personne ne les rencontre jamais. Je me dis maintenant, s'il pouvait exister quelqu'un d'assez éloquent pour faire un résumé en 3,5 pages d'un roman en 3 volumes, qu'en vous prévenant une minute d'avance, vous, Madame Harding, vous pourriez être une improvisatrice accomplie. Je présume que demain matin vous serez capable de nous raconter quelques mystérieuses et romanesques histoires sur une sœur morte, tandis que nous serons au coin du feu, comme nous y serions certainement, si Noël n'était pas inévitablement un jour chaud et brumeux. Avez-vous jamais vu l'épouvantable pâleur du teint naturel se révéler sous une couleur artificielle? Ce n'est pas une agréable vue, et Sir Gaspard frémit presque, en voyant le soudain changement qui s'opéra sur la figure de Madame Harding. Je vous en prie, pardonnez-moi, dit-il doucement. Je vois que j'ai touché une corde sensible. Vous avez perdu une sœur qui vous était très chère. Oui, répliqua Madame Harding tout à fait tranquillement. Ma sœur est morte seulement l'année dernière. Je portais son deuil à la première fois que je vous ai rencontrée. Ses couleurs habituelles étaient revenues sur sa figure. Quand le saisissement que les mots dits au hasard par Sir Gaspard lui avaient occasionné fut passé, elle reprit son sang-froid habituel. Martial emmena son hôte faire une promenade en voiture après un lunch matinal. Il commença à faire sombre lorsque la calèche entra dans Castleford après un long tour dans les chemins de traverse du pays et sur la grande route. Les lampes étaient allumées dans les boutiques, mais il y avait encore un pâle rayon jaune à l'ouest et une lumière grise dans le ciel d'hiver. À cette clarté, Madame Harding aperçut les figures des deux jeunes gens qui flânaient sur le seuil de la porte d'un marchand de tabac, en face de laquelle les croisées éclairées d'une salle de billard paraissaient pâles au jour expirant. Un de ces hommes était Cathron, l'autre un enseigne d'un régiment d'infanterie en garnison à la caserne de Castleford. La veuve tourna la tête pour regarder ces hommes, puis la retourna encore et leva son voile, cette seconde fois, comme si elle eût été heureuse de les voir plus distinctement, tandis que la barouche de Mademoiselle Denison avançait doucement dans la rue haute. Marcia avait quelques emplettes à faire à Castleford et le cocher et à ses chevaux, presque aussitôt devant une boutique de mercerie, à 200 ou 300 mètres de la salle de billard. « Je vais me dépêcher autant que possible pour faire promptement mes achats, » dit Marcia, en se préparant à descendre. « Voulez-vous venir avec moi dans le magasin ou rester dans la voiture ?»« Godwin montera et descendre à la rue, si vous trouvez qu'il fait trop froid pour rester tranquille. »« Non, merci, cher, » répondit Madame Harding précipitamment. « Je vais descendre et aller chez un papetier que j'ai vu à quelques portes plus bas. » « J'ai absolument oublié tout ce qui concerne la papeterie quand j'ai fait mes emplettes à la ville. Voulez-vous m'attendre, mon amour, si je suis un peu plus longtemps que vous ?» Elle descendit de voiture immédiatement après Marcia et s'éloigna la hâte dans l'obscurité. Mais la belle veuve n'entra pas dans le magasin du principal papetier de Castleford. Elle passa sa porte et alla droit à la boutique du marchand de tabac sur le seuil de laquelle le jeune enseigne et le sous-lieutenant d'infanterie de marine était encore arrêté dans des attitudes nonchalantes, en fumant les meilleures cabanas du marchand de tabac, et en injuriant d'une manière traînante et endormie quelques camarades qui avaient promis de le retrouver là et qui étaient en retard. Comme Madame Harding approchait de la porte, elle ralentit tout à coup son pas et s'avança doucement, son voile rejeté en arrière et la figure tournée vers la fenêtre éclairée au gaz. Elle était à peine à une demi-douzaine de mètres de la boutique quand Catherine murmura la hâte quelque excuse à son compagnon et s'élança après elle. « Bon Dieu !» murmura l'enseigne en relevant ses sourcils pâles et en bâillant horriblement. « Je crois en vérité que tout le monde devient fou cet après-midi. » Il se prépara à allumer un nouveau cigare, à la façon épouvantable d'un boa constrictor, puis disparut dans le passage sur le seuil duquel brillait le mot mystique « billard ». Catherine rejoignit la veuve, juste comme elle tournait une petite rue obscure, bordée de sombres maisons menant sur les bords marécageux de la Mordred. « Beauté !» s'écria-t-il d'un ton très soumis, mais en même temps très énergique. « Quel motif sur la terre peut donc vous amener à vous promener d'une manière si inattendue dans la rue haute de Castleford ? J'aurais plutôt pensé rencontrer le pape Pie IX devant le magasin de Hodgson que vous. Je pensais que c'était une chose convenue. Que vous ne deviez pas revenir en Angleterre, beauté. » Madame Harding avait baissé son voile à ce moment. Elle se tourna vers le sous-lieutenant avec un front courroucé qu'il ne put voir. « Pourquoi m'appelez-vous de ce nom absurde ? » demanda-t-elle en colère. « Quel besoin avez-vous de me ramener à ma jeunesse et de me faire souvenir que j'ai eu un père et une mère insensés qui prouvaient leur affection à leurs enfants en leur donnant des petits noms d'amitié pleins de sentiments et en les laissant grandir comme cela leur plaisait, ou comme ils le pouvaient, car il leur était difficile d'arriver à quelque chose de bien et de bon dans notre maison. Appelez-moi Blanche. J'ai pris ce nom dernièrement, car je déteste tous ceux qu'on m'a jamais donné. » Catherine ne répondit pas pendant quelques moments. Il parut n'avoir pas entendu les derniers mots de Madame Harding, ou à aucun prix y vouloir faire attention. « Beauté, » dit-il après une pause, « vous êtes devenue aussi sévère que votre sœur. » « Et jamais différé d'elle ?»« Oui, » répondit-il tristement. « Je pense que vous en différiez autrefois. » Il y eut une autre pause, puis le sous-lieutenant dit d'un ton altéré. « Au nom de tout ce qu'il y a de saint, beau, non, Blanche, si vous l'aimez mieux, car Dieu sait qu'il n'y a pas assez d'enfantillage entre nous, pour que nous ayons besoin de nous appeler par nos noms d'enfance. Dites-moi comment se fait-il que vous soyez tombé du ciel dans la rue haute de Castleford ? Je pensais que vous aviez promis de vivre loin de l'Angleterre. Qu'est-ce que cela vous fait ? Très peu de choses, certainement. Seulement, lorsque vous avez promis à quelqu'un de faire telle ou telle chose, et que ce quelqu'un, eu égard à cette promesse, agit très libéralement, il ne faut pas le nier, il agit très libéralement. Beau, oh, que je sois pendu. Blanche, si vous l'aimez mieux. Quoique je ne puisse pas dire que j'ai participé beaucoup à sa libéralité. Je pense qu'au moins, vous devez tenir votre promesse. Cependant, comme vous le remarquez ou comme vous étiez sur le point de le faire, autant que je puis le voir au mouvement de votre chapeau, ce n'est pas mon affaire. J'étais fâché d'apprendre la mort de votre sœur, Blanche, quoique je puisse dire qu'elle n'a jamais été particulièrement bonne pour moi. Ah, je vois cet autre mouvement de votre chapeau que vous me trouvez insensible. Mais l'âme d'un homme doit nécessairement se dégrader. lorsque la meilleure chose que ses amis aient pu faire pour lui est de le faire entrer au service, et qui, tout en pouvant se dire soldat, reçoit ses ordres de l'amirauté et vit avec les marins sans avoir droit à leur société. Vous avez quitté votre deuil, je vois. Moi, je ne l'ai point quitté. J'ai donné un shilling pour mettre un crêpe à mon chapeau le jour où j'ai appris sa mort. Elle est toujours portée depuis. Et Dieu sait si le chapeau et les crêpes sont râpés aujourd'hui. Avez-vous des ennuis, Gervois ? Demanda la veuve quand ils furent marchés jusqu'au bout de la ruelle et se retournèrent pour la parcourir encore. Oh, naturellement, j'ai des embarras. En suis-je jamais sorti ? S'écria le sous-lieutenant avec une franchise communicative. Les ennuis sont mon état normal, et l'ont toujours été, depuis que j'ai eu 6 pence dans mon porte-monnaie à l'école préparatoire, et que j'en ai dépensé 12. J'ai fait mon premier billet, sous la couverture de mon livre de copie, avant mon 11e anniversaire de naissance, et depuis j'ai toujours fait des billets. Et quelquefois j'en ai fait escompter. Réellement, je pense, beauté, maintenant, ne secouez pas ainsi votre chapeau, quoique je reconnaisse que vous faites presque l'effet d'un King Charles, avec ses grosses prunelles et son nez en l'air. Je pense réellement, Blanche, qu'après une séparation de 10 ans, et sur mon honneur, à tout voir, je ne croirais pas qu'il en ait plus de 5, le moins que vous devriez pouvoir m'offrir serait un modeste présent, ou pour parler plus clairement, un billet de 10 livres. Gervois, s'écria la veuve avec un air de reproche. Qui pourrait croire que vous appartenez à l'une des plus anciennes familles du comté de Buckingham ? Ah oui, en vérité. Et de l'infanterie de marine. Mais je serais réellement très reconnaissant pour le cadeau. Supposez que vous me donniez votre bourse de la main à la main, comme on fait au théâtre, dit Catherine, tandis que la veuve tenait son porte-monnaie. Mais Madame Harding n'était pas une bienfaitrice de l'espèce si commune dans les mélodrames. Elle ouvrit son porte-monnaie et lentement compta 4 sovereigns qu'elle tendit au lieutenant. « C'est tout ce que je puis faire ce soir pour vous, Gervois, » dit-elle. « Et maintenant il me faut vous souhaiter le bonsoir et me dépêcher de retourner près d'une amie qui m'attend dans la rue haute. » Elle marchait très vite tout en parlant. « Mais dites-moi où au moins vous demeurez. » « Je ne puis m'arrêter pour vous le dire maintenant. » « Donnez-moi votre adresse et je vous écrirai. Mais dépêchez-vous, il faut que je rejoigne mon ami. »« Mais qui est cet ami ?» demanda Catherine, fouillant dans la poche de son gilet et tirant une enveloppe froissée. La veuve la lui arracha avec impatience. Ils étaient arrivés au coin de la ruelle à ce moment. « Ne me suivez pas plus loin, et n'ayez pas l'air de me connaître. Si vous me rencontrez avec quelqu'un, je vous écrirai dans 1 jour ou 2. » Elle tourna dans la rue haute et s'éloigna précipitamment avant que son compagnon pût essayer de la retenir. Le lieutenant s'arrêta pendant quelques minutes et la suivit d'un air distrait, puis s'achemina lentement vers le marchand de tabac. Il avait les mains dans ses poches et les souverains tintaient pendant qu'il marchait. On doit remarquer que pendant tout le cours de cette conversation, la veuve ne s'était permis aucun de ces petits élans de sensibilité si communs dans sa conversation habituelle. Il y avait évidemment des occasions dans lesquelles l'enthousiasme de Madame Harding n'avait pas d'effusion.